Thank you, great job. Nice to meet you. Well, thank you. Take me back. Thank you very much. Well, there we go. Yeah. Merci beaucoup. Enchanté. Oh,

Oh my god.

C'est un bon anniversaire. Je suis enchanté. Mesdames les rivages, en absence de grillage. Tout est virtuel. Le loukoum de Marseille. Salut à toi le Québec, salut à toi l'Africain, salut à toi l'Égyptien, salut à toi mon frère, salut à toi ma soeur, salut à toi mon frère, salut à toi, salut à toi le Normand, salut à toi la Normande, salut à toi mon frère, salut à toi l'Indien, salut à toi le Bouddha, salut à toi l'Égyptien, salut à toi le comédien, salut à toi la chanteuse, salut à toi le musicien, salut à toi le trapéziste, salut à toi les clowns tristes, salut à toi le clown gay, salut à toi mon ami Pierrot, mon ami Pierrot, mon ami Pierrot, donne-moi de ta plume pour écrire un mot, pour écrire un mot. Give me your hand. Open your door. Give me your hand. For one time, only one time, I love you. And I love you forever, forever, forever, forever, forever. If you want to, if you're away, if you're away. If you want freedom, freedom for you, and I love you, and I love you, freedom for you, and I love you. Yes. L'intérieur, même si Je sais encore ce que j'ai à faire. Et si le stress m'enivre, alors demain je serai encore. Et si ce stress, ce spleen, m'éviter encore la mort. Et si l'acide qui coule dans ma tête. Signe pour que mon espoir brille encore.